إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون Notre Seigneur le Très-Haut a dit dans son noble livre قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ Dis, ceci, le Coran est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Et il a dit, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement sur la grande nouvelle? Le Coran est donc une grande nouvelle. La religion de l'islam est une grande nouvelle. Et l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam est une grande nouvelle. Ainsi, il est obligatoire à tous ceux, parmi les doués de raison et d'intelligence, d'accorder une grande importance à cette religion, à son apprentissage et son application. Tout comme l'ont fait les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, qui ont étudié et transmis cette noble religion, et qui furent une cause de sa préservation par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La science est donc l'héritage que nous laissa le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'il a dit sallallahu alayhi wassalam, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprendra aura ainsi saisi une part prospère. Et il a dit alayhi salatu wassalam, la guidée et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé sont semblables à une pluie abondante tombant sur terre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a rendu obligatoire à ses serviteurs l'apprentissage de cette religion. Il a dit, jalla wa ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité méritant l'adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? La religion ne peut donc rester forte qu'avec la présence de la science et des savants. Et c'est pour cela qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah ne fera pas disparaître la science en la retirant directement des serviteurs, mais il la fera disparaître par la disparition des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste aucun savant, les gens prendront alors des leaders ignorants, ils seront interrogés et répondront sans science, s'égarant ainsi eux-mêmes et égarant les autres. L'apprentissage de la religion et son instruction sont donc l'un des plus grands moyens de préserver cette religion par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est visé par l'apprentissage de la religion, ce n'est pas seulement l'étude de la jurisprudence et des règles liées au licite et à l'illicite, mais l'apprentissage de la religion englobe l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète alayhi salatu wa salam. Ainsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam, ainsi que sa parole, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Ces versets englobent tout ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils englobent la croyance, la jurisprudence du licite et de l'illicite, le comportement et autres. L'apprentissage de la religion est donc une nécessité et un besoin pour chaque musulman. L'instruction dans la religion n'est donc pas restreinte aux savants et à ceux s'affiliant à la science, mais elle est obligatoire à chaque personne. Et c'est pour cela que les savants ont dit que l'instruction dans la religion se divise en deux parties. La première partie est une obligation individuelle qu'il incombe à chaque personne d'étudier. Et cette partie concerne tout ce sans quoi la croyance ne peut être valide, comme le sens des deux attestations et la réalité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, sa divinisation et ses noms et attributs. De même, pour ce qui est lié aux adorations, il est obligatoire à chaque musulman d'étudier la manière de prier et de se purifier pour la prière. Également, lorsque la personne possède de l'argent, il lui est obligatoire d'étudier les règles liées à la zakat. De même, pour le jeûne, lorsque la personne devient pubère, il lui est obligatoire de jeûner, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Elle doit donc connaître le sens du jeûne, les choses qu'il faut s'abstenir de faire, ainsi que les annulatifs du jeûne. Et pour le pèlerinage également, il est obligatoire à celui qui souhaite accomplir le pèlerinage d'étudier les piliers et les obligations du pèlerinage, car c'est une science obligatoire, et il incombe à chaque personne d'accomplir l'adoration avec science. Ensuite, il en vient au chapitre lié aux transactions, aux ventes et aux achats, afin de connaître les règles liées à cela et à ne pas commettre de choses illicites comme l'usure ou autre. Cette sorte d'instruction, qui est une obligation individuelle, est donc obligatoire à chaque musulman. Quant à la deuxième sorte d'instruction dans la religion, elle concerne l'apprentissage qui est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si un groupe de musulmans dans une contrée s'acquitte de cette obligation, le péché sera levé du reste des croyants. Et c'est pour cette raison que la présence d'étudiants en sciences, ainsi que l'attention qu'ils portent à la science et à l'enseignement, ont un impact sur l'ensemble, car cela permet de lever le péché sur le reste de la communauté. Il convient donc de les encourager et de les remercier, car elles ont accompli l'obligation qui incombe au groupe. Dans certains endroits, il n'y a pas d'étudiants en sciences. Et malgré ça, les gens se préoccupent par autre que la science. Ils ne se sont donc pas acquittés de leur obligation. Car comme l'ont dit les savants, la base est que chaque ville a son propre jugement concernant l'obligation communautaire. La base est qu'il est demandé à chaque ville d'avoir des étudiants en sciences afin de faire profiter les gens et de leur enseigner ce qui leur profitera dans leur religion. Les gens ont-ils donc besoin de 1000, 2000, 10 000 étudiants en sciences ou plus? La réponse est qu'ils en ont besoin de beaucoup plus, car il est obligatoire aux gens de chaque région de s'instruire dans la religion. Et quelle grandissime parole est la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit « Celui qu'Allah veut guider, il l'instruit dans la religion. » Et dans une autre version, « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. » S'instruire dans la religion est donc une nécessité. Cependant, pour s'instruire dans la religion, il convient de suivre une méthodologie correcte. Et connaître cette méthodologie est une chose très importante. Car certaines personnes souhaitent s'instruire, mais ne connaissent pas la voie à suivre pour obtenir la science. Il est donc fort possible qu'une grande partie de la science leur échappe ou qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Nous allons donc mentionner cette méthodologie de manière résumée par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, concernant l'instruction au sujet de la croyance, qui est la plus importante des sciences et la plus méritoire. Les savants ont divisé la science de la croyance en deux parties. La première partie est celle en rapport avec le tawahid, l'unicité, et plus particulièrement l'unicité dans l'adoration. Et la deuxième partie est celle concernant les 6 piliers de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier et au destin bon ou mauvais, ainsi que les autres points de la croyance en rapport avec cela. S'instruire dans la croyance est donc l'une des choses par laquelle le serviteur se rapproche le plus de son Seigneur, et ce, car c'est une des plus grandes obligations. Et il est rapporté dans le hadith Qudusi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai imposé. Cette obligation qui est la connaissance du tawahid et de la croyance est donc l'une des plus grandes obligations. Et connaître la méthodologie à suivre pour l'étudier fait partie des choses les plus importantes à savoir. Et cette méthodologie consiste à commencer par des livres et des épîtres concis et résumés, puis après cela, passer à des livres plus détaillés. Nous allons donc mentionner, par la volonté d'Allah, pour chaque sorte de tawahid, des livres et des points bénéfiques permettant de concrétiser l'étude de cette science. Premièrement, concernant tawahid ar-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, qui est très importante, même si elle n'est pas la base. En effet, la base est l'unicité dans l'adoration, mais l'unicité de la seigneurie est elle aussi très importante, et ce, pour deux raisons. La première raison est qu'elle est un moyen pour établir la preuve dans l'unicité de l'adoration. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, en a fait un argument dans de nombreux versets du Coran. Quant à la deuxième raison pour laquelle l'unicité de la seigneurie est très importante, c'est qu'elle aide le croyant à concrétiser la réalité du tawakkul, de la confiance en Allah. En effet, plus le serviteur médite sur les versets mentionnant qu'Allah est le seul Seigneur, celui qui gère et détient toutes choses, et plus il se soumettra. Et même si l'ensemble des gens se mettaient à ruser contre lui, cela ne le préoccuperait pas. Et à l'inverse, le fait de ne pas porter d'importance à l'étude de l'unicité de la seigneurie conduit à la faiblesse des cœurs et au manque de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après avoir compris l'importance de l'unicité de la seigneurie, reste à savoir quelle est la manière de s'instruire dans celle-ci. Pour s'instruire au sujet de l'unicité de la seigneurie, il convient de lire l'exégèse des versets du Coran qui mentionnent la grandeur d'Allah. Et plus le serviteur méditera sur le Coran et ses sens, plus l'unicité s'enracinera dans son cœur. Ensuite, après cela, il passe à la lecture du livre d'Ibn al-Qayyim intitulé « Miftah Dar al-Sa'ada » car il fait partie des meilleurs livres expliquant la grandeur d'Allah et aidant à ce qu'elle s'enracine chez le croyant. Voilà donc pour ce qui est de l'unicité de la seigneurie. Quant à l'unicité dans l'adoration, qui est la plus importante, et celle pour laquelle les messagers ont été envoyés, la méthodologie à suivre pour l'étudier consiste à commencer par des épîtres concis, et en particulier l'épître des trois fondements. Puis après cela, Kitab al-Tawahid, le livre de l'unicité, et ensuite Kashf al-Shubuhat, donc le dévoilement des ambiguïtés. Il commence donc par étudier les trois fondements, puis après cela, Kitab al-Tawahid, et ensuite Kashf al-Shubuhat. Il étudie ses livres auprès des gens de science, s'il en a la capacité, ou bien en écoutant leurs audios et en lisant leurs explications, s'il n'a pas la capacité de se rendre auprès d'eux. L'apprentissage du tawahid fait donc partie des choses les plus importantes pour le serviteur. Et médite à ce sujet la parole d'Allah, Jalla wa Ala, sur Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Taymi rahimahullah a dit: Ibrahim alayhi salam a eu peur pour sa personne d'être éprouvé et a invoqué Allah de le préserver de l'adoration des idoles. Qui donc peut se croire à l'abri après Ibrahim? Ceci prouve qu'il est obligatoire d'étudier la réalité du tawahid afin de l'appliquer et d'étudier les différentes sortes de polythéismes afin de ne pas les commettre. Et parmi les livres les plus bénéfiques aidant à cela, le livre Kitab al-Tawahid du Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Ensuite, après cela, vient la troisième étape qui est le livre Kashf al-Shubuhat. Et ce livre est très important, car après avoir étudié les trois fondements qui sont la connaissance d'Allah, de sa religion et de son prophète, alayhi salatu wassalam, et après avoir étudié le tawahid et ses différentes sortes, ainsi que le polythéisme et ses différentes sortes, après cela, il convient d'étudier les ambiguïtés propagées par les polythéistes, et ce, afin de savoir les réfuter et de ne pas être troublé par celles-ci. Il étudie donc ce livre afin de connaître les réponses à ces ambiguïtés et d'être sur une preuve évidente. Ensuite, après avoir étudié la croyance authentique avec preuve, enseigne-la afin qu'elle se raffermisse en toi. Ainsi, lorsque tu connais le sens du tawahid et des trois fondements, enseigne-le aux gens de ta maison et à ta famille afin que cela se renforce dans ton cœur. Enseigne donc la science que tu possèdes, car c'est un moyen pour qu'elle se raffermisse. Et celui qui n'enseigne pas la science qu'il maîtrise à sa famille, à ses enfants et à son entourage, et qui ne commande pas le bien et n'interdit pas le blâmable, celui-ci risque de s'affaiblir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors, nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là. Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Après avoir étudié, propage donc cette science selon tes capacités. Propage ce que tu as appris avec certitude, ce que tu as appris avec preuve et compris auprès des savants et des machaïrs. Et est-il obligatoire pour cela que tu la propages en faisant une conférence à la mosquée ou en prononçant un discours sur une place publique? Non, la propagation de la science ne s'arrête pas à cela. Enseigne donc la science aux gens de ta maison, à tes proches et aux autres, lors d'une invitation par exemple. Propage ce qui est profitable pour toi ainsi que tes amis et compagnons. Propage la science dans des assises remplies de science et de bénéfices dans la religion, car ceci fait partie des choses les plus bénéfiques aidant à ce que la science se raffermisse. Ensuite, pour ce qui concerne l'étude de la troisième sorte de tawhid, qui est le tawhid des noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat, pour étudier cette science, il convient d'étudier les livres sur la croyance expliquant les piliers de la foi, car ils consacrent une grande partie à l'explication de l'unicité des noms et attributs. Et certes, les livres sur la croyance sont très nombreux. Il y a ceux écrits par les contemporains, ceux écrits par les prédécesseurs et ceux écrits par les générations intermédiaires, c'est-à-dire du 3e ou 12e siècle. Cependant, il est obligatoire à tous ceux souhaitant s'instruire dans la religion et recherchant le salut d'étudier la source de la croyance héritée des prédécesseurs de cette communauté. Car les pieux prédécesseurs ont parlé avec science et se sont abstenus avec lucidité, comme cela est rapporté d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il est donc obligatoire de prendre la science de la croyance des prédécesseurs de cette communauté, et de ceux les ayant suivis parmi les imams et les savants de l'islam. Et certes, livres des salafs sur la croyance sont connus et retranscrits. La méthodologie à suivre pour étudier la croyance consiste donc à commencer par le livre « L'Umatul I'tiqad » de l'imam Ibn Qudama. Ensuite, après cela, « Al-Wasitiyya » de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Puis « Al-Hamawiyya » également d'Ibn Taymiyyah. Et enfin, « Al-Tahawiyya » avec l'explication d'Ibn Abil Iz al-Hanafi. Et l'apprentissage de la croyance n'est pas une chose compliquée, mais n'est pas non plus une chose simple. Ce n'est pas une chose simple, car certains sujets comportent des réfutations aux gens de l'innovation dans des questions comme le destin, la foi, les noms et attributs et autres. Et ce n'est pas une chose difficile non plus, car tous les livres sur la croyance écrits par les imams de l'islam suivant les plus prédécesseurs sont tirés de preuves du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette croyance comporte plusieurs parties. La première partie est liée à l'explication des six piliers de la foi, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. La deuxième partie, quant à elle, est liée au comportement à adopter avec les créatures et au point qui différencie les gens de la sunna des gens de l'innovation. Et enfin, la troisième partie concerne les caractéristiques des gens de la sunna et des plus prédécesseurs dans leur culte et leurs adorations. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a d'ailleurs mentionné cette partie à la fin de son livre Al-Wasitiyya. Il a dit, rahimahullah, en décrivant les gens de la sunna: de plus, ils assistent aux prières en groupe ainsi qu'à celles du vendredi. Ils jeûnent, prient la nuit et dépensent de leurs biens jusqu'à la fin de sa parole, rahimahullah. Voilà donc pour ce qui concerne l'étude de la science du tawhid et de la croyance. Ensuite, concernant l'étude de la science de la jurisprudence, c'est-à-dire celle liée aux adorations, aux transactions et autres, et qui commence par le chapitre de la purification, étudier cette science est également très important. Et la méthodologie à suivre pour l'étudier consiste à progresser par étapes, tout comme l'ont fait les savants. L'étudiant commence donc par étudier un livre simple et résumé, en essayant de comprendre les sujets essentiels dans chaque chapitre avec preuve, mais sans chercher à étudier les divergences. Après cela, il passe à la deuxième étape en étudiant un livre un peu plus détaillé et en commençant à étudier certaines divergences afin de s'y habituer. Et enfin, après avoir maîtrisé ces deux étapes, il passe à la troisième étape en étudiant un livre complet et détaillé dans lequel les divergences sont mentionnées ainsi que les avis des différentes écoles de jurisprudence et les preuves sur lesquelles elles s'appuient. L'étudiant en sciences doit donc connaître la manière d'étudier, car s'il commence par un livre long et détaillé, quand va-t-il le finir? Et certes, lorsque la mer est profonde et que l'homme ne sait pas nager, il risque de se nuire et même de se noyer et de se détourner du chemin de la science. Il doit donc procéder petit à petit et connaître la méthodologie à suivre. Et ceci est très important, car certains étudiants ont trouvé l'étude de la jurisprudence trop longue et ont essayé de l'étudier à travers les fatawas. Ils lisent les fatawas des savants et les rassemblent, alors que les fatawas sont en réalité une application de la science et de la jurisprudence. La science de la jurisprudence est donc plus vaste et plus complète que les fatawas, car elle vient avant l'application. Et c'est pour cette raison que celui qui se contente de lire des fatawas ne pourra pas obtenir la science ni avancer selon la bonne méthodologie. Certes, les fatawas sont une aide et une assistance pour l'étudiant en science, que ce soit dans le tawahid, la croyance ou la jurisprudence. Elles sont une aide car elles permettent de connaître le jugement des savants sur des situations concrètes. Elles sont donc une aide, mais ne sont pas suffisantes pour l'étudiant en science. Voilà donc pour ce qui concerne la méthodologie à suivre pour étudier la jurisprudence. Et ce qui a été mentionné est-il propre aux étudiants en sciences? La réponse est non, cela ne leur est pas réservé. Il t'est donc également possible d'avancer par étapes avec les membres de ta famille. Et pour parvenir à cela, il ne t'est pas obligatoire de commencer avec un livre en l'expliquant mot par mot. Car l'instruction consiste à avancer petit à petit, tout comme l'ont fait les savants, en prenant dans chaque chapitre les sujets de base qui leur profiteront. Donc par exemple, lorsque les jeunes atteignent l'adolescence à l'âge de 13, 14 ou 15 ans, il y a des choses que leur père ou leur grand frère doivent impérativement leur enseigner. Et certes, il n'y a pas de honte à avoir concernant l'apprentissage de la religion. De même pour la fille, lorsqu'elle approche de la puberté, il y a des choses qu'elle doit impérativement savoir. Et c'est pour cette raison que l'instruction dans la religion est une nécessité et n'est pas réservée aux étudiants en sciences. Au contraire, il faut propager la science entre nous, dans nos maisons, avec les femmes, les enfants et autres. Et certes, lorsque la science est propagée dans les mosquées, les maisons, les assises et autres, chaque personne en profite. Et ceci comporte une propagation du bien et une propagation de ce qu'Allah aime et agrée. Nous demandons donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder une science bénéfique, de nous aider à œuvrer selon celle-ci et à la propager selon nos capacités. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.